Sorgia FM. Sorgia. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Dansez maintenant. Une émission proposée par Hubert Ledent. Tiens, bonjour, comment ça va depuis la semaine dernière? Eh bien, écoutez, nous, ça va super, merci beaucoup. Merci pour votre fidélité, je vous souhaite donc la bienvenue à toutes et à tous. L'émission s'intitule « Dansez maintenant », mais vous le savez tout ça. Allez, c'est parti pour une heure de plaisir. Je sais que cette semaine, Christophe nous parlera de Virginie Pouget, une accordéoniste qu'on adore aussi dans cette émission. Et quant à Arlette, elle va s'attaquer à un monument de la chanson que vous aimez beaucoup. Il s'appelle Franck Michael. On commence tout en douceur avec ce chanteur extraordinaire. Il s'appelle Andrea Bocelli avec cette belle version de Kissas Kissas. Alors on va écouter ça et puis juste après ce sera Christophe Pesset, accordéon, nouvelle vague. Siempre que te pregunto que cuando, como y donde tu siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Y estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando quizás. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Accordéon Nouvelle Vague, Christophe. Christophe Pesset sur Sorgia FM. Bonjour à toutes et à tous, merci Hubert, heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour cette rubrique Accordéon Nouvelle Vague. Cette semaine, je vous propose de découvrir Virginie Pouget. Elle vient de sortir un album qui s'appelle Tant qu'il y aura des balles avec tous ses musiciens. Et ben justement, tiens, le premier morceau c'est une valse et comme l'album il s'appelle Tant qu'il y aura des balles. Allez, c'est parti, place à la valse. Tant qu'il y aura des balles pour faire danser nos fins de semaine, tant qu'il y aura des balles, des étoiles brilleront dans nos yeux pour que tourne un peu mieux la terre, rien de tel que la faire valser. Tant qu'il y aura des balles, des chansons battront dans nos cœurs comme autant d'instants de bonheur. Au fil de nos vies, on court après le temps, et chaque jour ressemble au précédent. Et pour qu'un soleil se lève à l'horizon, il nous reste l'accordéon. Tant qu'il y aura des balles pour redonner un sens à la fête, tant qu'il y aura des balles, des étoiles brilleront dans nos yeux pour que tourne un peu mieux la terre, rien de tel que la faire danser. Tant qu'il y aura des balles, des chansons battront dans nos cœurs comme autant d'instants de bonheur. On fait comme on peut pour garder le sourire, y a tant de larmes cachées dans un soupir. Et pour oublier les ennuis quotidiens, reste la magie d'un refrain. Tant qu'il y aura des balles pour faire danser nos fins de semaine, tant qu'il y aura des balles, des étoiles brilleront dans nos yeux pour que tourne un peu mieux la terre, rien de tel que la faire valser. Tant qu'il y aura des balles, des chansons battront dans nos cœurs comme autant d'instants de bonheur. Pour que tourne un peu mieux la terre, rien de tel que la faire valser. Tant qu'il y aura des balles, des chansons battront dans nos cœurs comme autant d'instants de bonheur. Jusqu'à la dernière note, un très bel album que vient de nous faire Virginie Pouget, Tant qu'il y aura des étoiles. On va écouter tout de suite un passo-doble, Olé, c'est la Feria, composition de Maurice Larchange, Jean-Paul Cressandon, Michel Pruvot et Michael Larchange, que du beau monde pour ce passo-doble. Et tiens, eh bien c'est Sandrine qui souhaite un très bon anniversaire à Morissette. Message qu'on a reçu par mail sur christophe@dansermaintenant.com. Et tout comme Sandrine, si vous avez envie de passer un message, eh bien n'hésitez pas, cette boîte mail est là pour vous. Place au Passo Doble en compagnie de Virginie Pouget. Allez, c'est parti. Olé, c'est la Feria. Thank you. tous les potes sans exception. C'est une tradition d'été dans la région. Attendre ce rendez-vous, la feria, enfin se retrouver tous les soirs sur le tas. Les taureaux courent dans la rue, les hommes à moitié nus cherchent à grimper dessus. Anda, c'est sacré la corrida, on va arroser ça, fond sur les bodegas. Olé, c'est la feria, tous les copains sont réunis dans les bodegas. Ce soir, c'est la feria, on va chanter et picoler, c'est la fiesta. C'est une succession de nuits blanches, il va falloir s'accrocher aux branches. Olé, c'est la feria, et dans l'arène, la foule hurle des olé, olé. La feria, tous les copains sont réunis dans les bodegas. Ce soir, c'est la feria, on va chanter et picoler, c'est la fiesta. C'est une succession de nuits blanches, il va falloir s'accrocher aux branches. Olé, c'est la feria, et dans l'arène, la foule hurle des olé, olé. FM, Hubert Ledent. Sorgia FM. Sorgia. Allez, on reprend la danse avec un petit baillon. Bah oui, pourquoi pas, c'est sympa ça. On a une spécialiste de la chanson française et ça tombe bien, elle est juste là, Arlette. Hello, bonjour à tous. Bonjour Hubert. Bonjour Arlette, on parle d'un grand monsieur. Bien sûr Hubert que c'est un grand monsieur que nous mettons à l'honneur aujourd'hui, puisqu'il s'agit de Franck Michael. Évidemment. qui est un chanteur belge d'origine italienne. Pas rien que ça. Né à Parme en 1946. On va pas en faire un jambon. Très jeune, il fait des études de technicien en électronique. Mais très vite, il se destine à la chanson. D'abord guitariste et chanteur de bal, il débute réellement sa carrière avec un 45 tours qui a pour titre « Je ne peux vivre sans toi ». Et c'est déjà une chanson d'amour. Auteur, compositeur, interprète, peu présent dans les médias, il multiplie les galas et arrive à conquérir son auditoire en misant sur le bouche à oreille. Ainsi va sa petite vie tranquille jusqu'en 1997, lorsque parut son album « Toutes les femmes sont belles ». Ça te dit quelque chose, Hubert ? Eh oui, c'est un immense succès populaire, tant en France qu'en Belgique. Sa carrière est lancée. Suivront les albums ? Il est toujours question d'amour, dont les titres révèlent la constance de ses amis paroliers de l'époque. Notamment Michel Mallory, qui écrira pour lui « Le petit café du grand amour ». On l'écoute ? À la terrasse, quelques tables, quatre ou cinq chaises un peu bancales, et le patron toujours aimable, il servait nos limonades. Dans cet endroit un peu bohème, éclairé par quelques lanternes, moi j'ai tout fait pour te connaître, pour qu'on parle en tête à tête, et nos cœurs ont fait le reste. Le petit café du grand amour, on l'appelait comme ça. Le petit café du grand amour, à cause de toi et moi. J'aimerais que la vie fasse demi-tour et te ramène là-bas. Au petit café du grand amour, tous les avions s'en vont trop loin. La neige tombe sur les vitres du petit café bien triste. Même le patron ne sourit plus. Il sait combien j'ai de la peine. Il a compris combien je t'aime. Et pour cette raison même, il aimerait que tu reviennes. Petit café du grand amour, on l'appelait comme ça. Le petit café du grand amour, à cause de toi et moi. J'aimerais que la vie fasse demi-tour et te ramène là-bas. Au petit café du grand amour, que toi. Le petit café du grand amour, quel joli nom vraiment. Il nous a porté chance un beau jour, mais pour si peu de temps. J'aimerais que la vie fasse demi-tour et te ramène. Café du grand amour, de mon amour pour toi. Nous sommes en 1998. Franck Michael poursuit sa carrière avec son sujet favori, l'amour, puisqu'il se désigne lui-même comme le chanteur des amoureux. Et ça lui va si bien. Le chanteur des amoureux. Mmh. nous faire. Seul on ne va jamais loin. On a beau dire le contraire, on a besoin de quelqu'un. Les mots gentils qu'on attend parfois se perdent en chemin. On réalise finalement que sans l'amour, on n'est rien. Pour toi, moi, le chanteur des amoureux, je chante. Pour toi, quand ton cœur est trop malheureux, je chante. Ces trois minutes ne sont qu'à nous deux, je tente de t'apporter ce soir encore un peu du soleil qui te manque. Pour toi, moi, le chanteur des amoureux, je chante. Pour te faire croire encore aux jours heureux, je chante. C'est un échange à distance, une belle histoire nous unit. C'est grâce à toi si j'avance, tu donnes un sens à ma vie. Tu m'as offert toutes les chances, quand ton sourire m'a dit oui. Tu m'as fait prendre ma revanche, et quand je chante, c'est pour qui? Pour toi, moi, le chanteur des amoureux, je chante. Pour toi, quand ton cœur est trop malheureux, je chante. Ces trois minutes ne sont qu'à nous deux, je tente de t'apporter ce soir encore un peu du soleil qui te manque. Pour toi, moi, le chanteur des amoureux, je chante. Pour te faire croire encore aux jours heureux, je chante. Pour toi, moi, le chanteur des amoureux, je chante. Pour toi, quand ton cœur est trop malheureux, je chante. Ces trois minutes ne sont qu'à nous deux. En 2003, il diversifie son style avec l'album Thank You Elvis, sur lequel il reprend en français ou en italien 15 standards d'Elvis Presley. Frank Michael joue toujours la carte de l'amour. Les années qui suivront cette carrière extraordinaire verront fleurir bon nombre de succès. Il est toujours question d'amour, Ti amo, je t'aime, en 2006, Les couleurs de ma vie, en 2009, Rue des amours, en 2011, Les chansons d'amour, romantiques, Quelques mots d'amour, mais aussi L'amour en bleu, sorti en 2013. L'amour en bleu. J'étais un baladin, rien qu'un musicien qui cherchait toujours ma guitare à la main, la chanson qui m'apporterait l'amour.

tout le mal que je t'ai fait. Aussi pour tes larmes, je te couvre de fleurs pour mieux sécher tes pleurs. Les roses sont le langage du cœur. Chaque jour, combien de roses pour croire à l'amour? Combien de roses faut-il encore que je t'offre pour que tu restes, que tu pardonnes? Tout mon argent s'en va en bouquet chaque jour. Combien de roses pour croire à l'amour? Combien de À 70 ans, fidèle à son charme légendaire, Franck Michael n'en finit pas de nous étonner. Il a vendu plus de 10 millions de disques à travers le monde. Et c'est pas fini. Et j'espère qu'il nous charmera encore longtemps. Mais c'est sûr. Car nous ne nous lassons pas de ce petit bonheur qu'est pour nous une chanson d'amour. Ah oui. Au revoir à tous et à bientôt pour d'autres souvenirs. Au revoir Hubert. Merci Arlette, au revoir, à la semaine prochaine. Dansez maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledent. Sauras-tu te souvenir de nos serments d'avenir et puis mourir d'aimer? FM. Accordéon Nouvelle Vague, deuxième partie consacrée à Virginie Pouget, qui nous présente son album Tant qu'il y aura des balles. Album que vous pouvez bien sûr vous procurer sur internet, sur jdcmusique.fr. On va tout de suite écouter un petit boléro, Des larmes dans mon cœur. C'est pas très joyeux, mais en tout cas c'est un bien beau morceau que nous interprète Virginie Pouget. Petit boléro. À s'aimer. Il y a des larmes dans la nuit, ils se fondent avec le vent, la pluie, des matins sous le soleil voilé, trop glacé. Entre nous c'était l'aventure, notre étoile elle pouvait briller. Entre nous t'avais fière allure, notre amour il te ressemblait. Ce ne fut qu'une histoire sans bruit, toi et moi au fil de la nuit. Mais ce soir j'ai le cœur blessé, je t'aimais. Il y a des larmes dans mon cœur, tant de souvenirs de jours et d'heures, tant de joie et de bonheur passé à s'aimer. Il y a des larmes dans la nuit qui se fondent avec le vent, la pluie, des matins sous le soleil voilé, trop glacé. Aujourd'hui se tourne une page, le voyage va se terminer. Dans le ciel passent des nuages sur l'amour qui est emporté. Comme un roman qui se finit, le cœur gros au fil de ma vie, tout mon être ce soir est lassé de t'aimer. Lancez maintenant sur Sorgière FM, Hubert Ledent. Très beau morceau interprété par Virginie Pouget et très très bien orchestré. C'est vrai qu'elle a un très bel album. C'est rare aujourd'hui de voir des albums où on fait encore intervenir des, entre guillemets, des vrais musiciens avec une vraie batterie, clavier, guitare et ainsi de suite. Et je peux vous dire que ça fait du bien aux oreilles. On va se quitter, ben oui, c'est déjà la fin, mais cette fois-ci avec un cha-cha-cha. Mais en tout cas, eh bien, on se reverra la semaine prochaine. La semaine prochaine, eh bien, je vous proposerai de découvrir Martine Appert. J'espère que tout comme moi, vous avez apprécié ce moment d'accordéon. Et puis je vous dis une très bonne semaine. Merci de votre fidélité. Dansez en ligne maintenant sur Sorgia FM. Alors si vous aimez danser, la danse en ligne, ça tombe bien. Voici donc le Sirtaki basque, vous savez. Alors là, c'est la version originale, attention. Hein, on parle d'une version allemande cette fois-ci, avec ce vino griego que vous allez reconnaître. Yo no lo sé. Si quizás me puedo estar equivocando otra vez. Cuántas cosas más me quedan por cambiar de toda mi amargura. Aceptar la historia de este nuestro encuentro es una gran locura. Mi amor, ya ven pronto, no resisto. Si tú no apareces, yo no existo. No existo, no existo. Estoy triste entre la gente que hoy pasa por mi lado. La nostalgia de tenerte entre mis brazos es más fuerte que mi llanto. Este sol enciende sobre mí un signo de esperanza. La ilusión que tengo de volverte a ver y el tiempo no me alcanza. preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. Luzes, tiendas, coches por las calles se confunden en mi mente. Ya mi sombra está cansada de seguirme y el día se muere lentamente. No me queda que volver de nuevo a casa y a mi triste vida. Y la vida que he querido darte a ti las he hecho migas enseguida. La, la, la. Alors on n'est pas bien là, hein? Écoutez, on passe vraiment un super moment avec de très belles musiques. D'ailleurs, ça continue avec Damien Poyard. Vous allez adorer ça. J'ai beau dire que plus rien me blesse, qu'après tout rien ne m'intéresse. Il y a des nuits où je rêve encore d'amour, d'amour. Les coups bas au niveau tendresse, tous ces bleus-là que l'amour me laisse. Ça fait mal, c'est vrai, c'est d'accord, mais l'amour, l'amour. L'amour c'est vivre, vivre, vivre, vivre le cœur libre, libre, libre, libre de recommencer. Oubliez celles qui m'ont fait pleurer. L'amour c'est vivre, vivre, vivre, vivre le cœur libre, libre, libre. Et puis se jeter encore au feu d'un nouvel amour plus fort. Premier coup c'est un coup du sort, donne un goût amer au remords. Qui des deux au fond abandonne l'amour, l'amour. Puis la vie va et l'adolescence ne s'oublie pas mais tout recommence. Dans d'autres yeux il s'offre et pardonne l'amour, l'amour. L'amour c'est vivre, vivre, vivre, vivre le cœur libre, libre, libre, libre de recommencer. Oublier celles qui m'ont fait pleurer. L'amour c'est vivre, vivre, vivre, vivre le cœur libre, libre, libre. Et puis se jeter encore au feu d'un nouvel. De recommencer, oublier celles qui m'ont fait pleurer. L'amour c'est vivre, vivre, vivre, vivre le cœur. danser maintenant sur Sorgia FM, Hubert Ledon. Il y a comme ça des musiques classiques qui restent et qui traversent toutes les époques. C'est le cas pour cette chanson que j'ai le plaisir de vous interpréter avec mon ami Eric Colomb. Je chante avec vous, Liberté. Je chante avec toi, liberté. Quand tu pleures, je pleure aussi ta peine. Quand tu trembles, je prie pour toi, liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Toi des jours de ta misère, mon pays, tes bateaux étaient des galères. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Dans la joie ou les larmes, je t'aime. Ne me dites pas que c'est déjà la fin de cette émission. Bah oui, écoutez, alors on se retrouve la semaine prochaine. Moi, c'est ce que je vous propose. Même station, même heure, évidemment. D'ici là, passez une très très bonne semaine. Au revoir à toutes et à tous. Je vous embrasse. Sorgia FM. Sorgiale.